Bon, dans la première partie, on avait vu pour les cinq premières lois de l'évolution quelques solutions. La première était de refuser le vieux, la deuxième d'accepter le neuf. Il nous restait les trois dernières à voir parmi les cinq premières. Marcher sur des œufs, discerner le mental de l'astral et s'autoriser à être. Marcher sur des œufs, tu disais que c'était des œufs de bébites préhistoriques, là, mais je suis pas sûr de ça. Moi, je pense des œufs de fourmis. C'est quoi marcher sur des œufs? Bon, une chose qui est intéressante aussi à remarquer, c'est évident, comme dans une conférence comme on fait là, avec où on élabore énormément de choses, on peut tout retenir. Je répète encore une fois que c'est pour ça que les conférences sont enregistrées. C'est pas une question de vous vendre des cassettes. Si vous avez tout retenu, ça va bien. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on finit par ne pas parler de certaines mécaniques. Les gens, ils savent pas trop, mais si on enregistre ces conférences, il y a une utilité, c'est parce que, possiblement, qu'à travers une conférence, on peut réécouter. On a le choix. On fait 80 conférences de plus, histoire de donner beaucoup moins de matière, ce qui passe mieux. Où on fait une conférence qui est à la hauteur de la majorité des individus. C'est sûr qu'une personne qui vient pour la première fois ou pour la deux, trois, quatre ou cinquième fois, bien, il y a énormément de morceaux qui passent vite. Puis justement, les enregistrements sur cassette, ça sert à ça. Surtout qu'il y a des personnes qui sont justement assez rusées, c'est qu'ils vont écouter l'enregistrement, il y a encore des parties qu'ils ne comprennent pas, puis la semaine d'après, il y a même des questions sur ces parties-là. Bon, ils répondent justement. On est ici pour répondre d'une façon à n'importe quelle question, c'est pas nécessaire de poser des questions sur le sujet. Alors, on parle de loi de ci, loi de tout ça, puis à un moment donné, ça fait plein de choses. Tout ça est facilement résumable, mais nécessairement, c'est sûr qu'à ça, c'est pas pour rien. Donc, ces trois dernières lois-là, marcher sur les œufs, on doit, pour pouvoir, ça fait partie des premières lois de l'évolution solaire, être capable de marcher sur les œufs, sur des œufs. C'est vrai. Je sais que toi, tu peux dire, ben, c'est facile de marcher sur tes œufs, t'es conçu tout, mais ça, c'est pas grave. Mais dis pas, marche sur les œufs, ça va bien. On doit marcher, on doit avoir l'impression, et c'est ce qui va arriver, c'est qu'on aura l'impression de marcher sur tes œufs. Donc, on aura l'impression qu'on marche sur tes œufs. Ces œufs ont de la valeur pour nous et on ne veut pas les briser. L'impression qu'on aura. Il faut connaître cette impression-là. Ou, à chaque fois que tu te dis, bien, si je prends cette décision-là, peut-être que je vais casser toutes mes œufs. Ou ceux des autres. Ça monte encore. C'est pas mal la même affaire. Parce que c'est tes œufs d'amitié, c'est tes œufs de. Sauf que pour entrer dans l'évolution solaire, on doit effectivement supporter, être capable de supporter l'impression d'être sur une corde raide, d'être sur un paquet d'œufs. Et à un moment donné, ben, on va peut-être briser des œufs, mais ces œufs-là qui vont se briser, ce sont les œufs les moins solides, ce sont des œufs qui de toute façon auraient été brisés à un moment donné. Mais pourquoi on sert de... Le sentiment qu'on a à ce moment-là, quand on écrase les œufs, c'est qu'on se dit, pourquoi on sert de moi pour écraser les œufs? Il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre qui passe, qui les écrase, puis que moi, je passe sur les plus solides après. Exact, tu as totalement raison. Et comme les 8 milliards qui sont passés avant, on dit ça... Ça a fini par tomber, à un moment donné, la vie, elle s'est dit, pourquoi lui? C'est vrai, pourquoi pas lui? Pourquoi lui? C'est vrai, pourquoi pas lui? Mais à un moment donné, ben là, je t'en ai, c'est lui. Et toi? C'est tout. C'est simple, il faut que ce soit quelqu'un. Pourquoi moi? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un, c'est bien simple. Mais ces œufs-là, ce sont les tiens. Puis c'est évident que tu pourrais demander aux voisins de casser tes œufs. Mais des fois, tu ne l'aimes pas trop. Si en plus, il vient de casser tes œufs, tu aimerais encore ça moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution, il vient un moment donné où chaque décision, apparente décision, chaque fois que vous allez vous accepter tel que vous êtes, je ne parle pas de vous accepter, mais moi je suis une jolie femme et puis je plaire aux hommes, je suis comme ça. Ça c'est collectif, tu acceptes le stéréotype. Mais ce qui va arriver, tu vas y croire, tu vas avoir la foi, tu vas te désillusionner, tu vas t'inhiber là-dessus, puis à un moment donné tu vas te révolter là-dessus, tu vas te dire contre les hommes. C'est pas les hommes le problème. Tu leur offres ça, les hommes y achètent, c'est tout. Arrête de leur offrir, les hommes n'achèteront pas. Après 2, 3, 4 000 ans, c'est sûr que les hommes y protestent, mais bon, les femmes, c'est pareil. Quand, à un moment donné, le bonhomme, il fait qu'offrir telle affaire aux femmes, ben c'est ça. Il pense que c'est lui. Un homme viril, c'est quoi? Moi, je suis moi-même quand quoi? Mais c'est ça. Maintenant que les femmes achètent, c'est ce que l'humain pense. Puis à un moment donné, quand les femmes cessent d'acheter, ben, le bonhomme peut juste changer. Être soi, ça ne veut pas dire être le collectif. Comme souvent, les femmes vont se maquiller puis vont dire « Oui, mais j'aime ça me maquiller. » Je doute qu'une femme aime se servir du visage comme tableau de peinture. Je doute. D'accord, je ne suis pas une femme. Je ne peux donc pas parler pour les femmes. Mais la femme, souvent, elle va aimer se maquiller parce que ça plaît aux hommes. Et elle aime plaire. Mais ça, c'est pas normal, aimer plaire. C'est mieux normal que d'aimer déplaire. C'est normal. C'est pas naturel. C'est normal. Sauf qu'à un moment donné, parce que les hommes n'achètent pas la femme naturelle, mais la femme, elle veut être achetée. Et la femme va dire, oui, mais j'ai mon mari, je suis correct, je me maquille, c'est pas pour les autres hommes. Oui. Pas parce qu'elle leur fait la cour. C'est parce qu'elle veut ne pas être repérée. Repérée? Repérée comment? Parce que les hommes, ils aiment les femmes maquillées. Il y a une femme. J'ai une des personnes avec qui je travaille qui est très bien. Elle ne se maquille jamais. Elle n'en a pas besoin, comme d'ailleurs toutes les femmes. À un moment donné, elle arrive au bureau, poupounée. Elle a une souliette à l'en haut, elle n'a jamais mis. Les souliers d'en haut, ben, ça pousse les fesses par en arrière, ça pousse le buste par en avant, les hommes achètent. Et les femmes aussi. Et là, elle a du maquillage. Alors, quand elle rentre, première réaction du mâle qui la reçoit, c'est bien belle aujourd'hui. Il me semble que moi, je me poserais des questions parce que c'est donc je suis là dans mon maudit, parce qu'elle est tellement fière que c'est pas moi le fantôme. Et là, toutes les mâles, finalement, qui sont là, c'est vrai, c'est quand même, c'est beau une femme maquillée quand même, un petit peu pas trop, c'est jamais trop. Trop, c'est quand il y a une puissance, c'est bien simple. C'est beau une femme maquillée, tu sais, c'est un petit peu de ci, un petit peu de bleu, là, un petit peu de vert, là, un petit peu de ci. C'est plus naturel. Un beau coup de poing, c'est deux yeux, ça fait du bleu. C'est le maquillage permanent, ça, mais c'est évident. Et puis, à un moment donné, ben là, elle rentre dans le bureau, pas pour venir se montrer, elle se montre pas. Mais là, elle rentre dans le bureau pour venir me parler. Quand je la vois, je pars à rire. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es maquillé? Ah, ben oui, j'ai essayé ça. Ben, ça y est, plus ça. Ben, tout le monde trouve que ça me va. Oh oui, ça te va, ça fait, ils ont tous le goût de coucher de toi. Mais ça ne va pas pour tout. Et puis finalement, mais là, elle a dit moi non. C'était le tour de te faire des amis. Et finalement, mais là, elle me dit, moi non plus, j'aime pas ça, mais si t'aimes pas ça, continue à pas aimer ça, ça te va pas. Mais ça fait pas partie de l'onde de forme, de ce que t'expliquais tantôt? Non. L'onde de forme, ça doit te plaire, pas plaire aux autres. Puis si toi, t'es suffisamment naturel, tu vas plaire à tous ceux avec qui tu peux être ami. Tu plairas pas aux autres, mais ça, c'est pas grave, t'en as pas besoin. Mais si t'aimerais mieux, tu vas venir faire une conférence en saut de jogging ou en gym. Tiendrais. J'ai déjà fait. Puis le monde est venu m'écouter pareil. J'ai changé d'habit, j'ai changé de client. Ah oui. Mais c'est ça, l'onde de forme. Et la oui, femme pour le maquillage, ça peut être pareil? Non. À change de client. Change de client. Si je maquille trop, là, c'est des clients à l'heure. Je maquille trop! Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que la femme peut dire, oui, mais c'est parce que j'aime ça me maquiller. Je suis d'accord. Mais je suis contre. Parce que quand les hommes, à un moment donné, là, se mettaient plein de parfums, ou bien non, avant de faire l'amour, ils se poussaient la barbe un peu. Il aimait ça, oui, parce que la femme aimait ça, se faire gratter le dos. Mais, la femme a cessé d'aimer ça, le gars commence à se raser. Napoléon, il appelait Joséphine, puis il disait, lave-toi plus, je vais en venir avec moi. Il avait le goût de faire l'amour avec, il aimait ça quand c'était glissant. Bon. C'est vrai. Il envoyait un messager, pas un mois, une semaine ou deux. Il envoyait un messager d'avertir, ça va être lavé, je m'en viens. Mais la femme, elle s'est de se laver, elle aimait ça. Pourquoi se laver quand elle n'était pas là? Parce qu'elle était mieux comme ça. Elle n'avait plus de raison d'aimer ça. Dans la jungle, quand je me suis promené avec certaines femmes, c'est drôle, c'est des vraies femmes. Mais il n'y a pas de sacoche avec du maquillage, des miroirs, etc. Puis jamais, il y avait l'impression qu'elle était laide. C'est comme si ça allait bien dans le bois. Puis j'ai été souvent campé avec des femmes qui ne se maquillent pas. Puis pourtant, ça va. Puis du maquillage rentre dans la ville, ah, ça va plus, on recommence. C'est ça les stéréotypes. Parmi les lois, il y en a une là-dedans, c'est justement d'être naturel, d'être soi, de s'autoriser à être ce que nous sommes. Ben c'est ça. Ça en fait partie. C'est inévitable. L'homme se fait ramasser, la femme se fait ramasser aussi. Tu sais, les bonhommes là, qui se font des gros bras, hein, c'est qu'à un moment donné, là, ils marchent de même. Ça ne cote plus à cause que ici, les trapèzes et les triceps, ça cote. Il ne peut même plus dormir comme ça, parce que c'est très mal, c'est trop dur. J'ai toujours pensé, moi, c'est parce qu'il utilisait du spray net à la place du déodorant. C'est ça, c'est l'aéré. Mais, c'est mon homme-là. Alors, c'est parce que quoi? Parce que justement, il veut acheter toutes les femmes qu'il rencontre. Il n'est pas naturel. Ah oui, j'aime ça, faire de la musculature. Combien d'années de vie tu vas perdre à te faire des muscles qui vont se dégonfler après? La même chose, les femmes qui en font plein, elles faisaient du culturisme maintenant, ça fait snob, c'est mieux, bien, bien mieux. Tabarouette, il y a un problème. Mais c'est ça, un problème. Maquillage permanent, imaginez-vous. Tu sais, t'es tellement laide, il faudrait qu'on t'organise pour la vie. Oui, non, non. Mais si la personne. Une femme qui s'est fait maquiller permanemment est finie, ça n'a rien à voir, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est qu'on doit être capable de s'accepter. Quand j'étais jeune, un jour, je disais à mon professeur, une femme qui se maquille, elle ne peut pas accepter la réalité. Ben là, j'ai eu deux retenues. Bon, OK. Mais... à se maquiller. Eh oui. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on se maquille ou on s'habille autrement. C'est ce que je veux dire, ce que je vais dire. Tu as raison. Bon, OK. C'est ce que je pensais. La femme qui se maquille peut le faire pour honte de forme. Peut le faire parce que ça lui va. Elle n'est pas nécessairement collective, tu as raison. Mais la majorité des femmes le feront uniquement pour être collective, mais sans le savoir. Il y a des femmes qui vont coucher avec leur mari, qui vont faire de l'amour régulièrement parce qu'elles aiment ça. Leur mari va mourir, il en trouve un autre qui n'aime pas faire l'amour. Ils vont bien aimer ça aussi. Alors peut-être qu'il était normal, c'est-à-dire qu'il se normalisait, collectivisait. Mais effectivement, une femme peut se maquiller comme un homme peut se maquiller parce que ça lui va. Mais en même temps, là, il faut faire la nuance est dangereuse. La nuance est dangereuse. Il faut s'ajuster aussi au... Non, pas comme ça. OK, ça ne reste plus. Je vais couper ma cravate. C'est d'être naturel, soyez un peu normal, il faut s'ajuster. Ils vont crier. Après 6 mois, ils vont s'être habitués à vous voir dans votre nature. Puis là, ils vont vous mettre à dire, « Ah oui, mais elle, on le sait. Ah, lui, on le sait, il est comme ça. Mais le monde est pareil. Mais on le fait pareil. Mais il fait ça de la même affaire. » Sauf que vous, vous allez être bien maudit. La 5e loi que tu n'as pas mentionnée, c'est discerner le mental de l'astral. Avant de faire ça, je vais dire la définition de ce que c'est astral puis mental, c'est une définition simplifiée dans un livre... Astral, endroit spatio-temporel où se trouve localisée la mémoire, les émotions et les désirs. On retrouve un astral humain, l'âme, et un astral planétaire, le ciel. L'astral est divisé en plusieurs niveaux vibratoires, c'est le monde de la mort. Astral. L'astral, c'est un terme que souvent on emploie, c'est un terme qui date de longtemps, et quand on assiste à mes conférences, entre autres, ou à celles de d'autres aussi, on emploie le mot, ça fait comme un peu compliqué. L'avantage de ce mot, c'est qu'il résume l'âme, il résume le ciel, le nirvana, le samadhi, il résume le monde de la mort, c'est la même chose. Il résume les égrégores, les archétypes, donc c'est inclus là-dedans. Est-ce que c'est l'âme ou l'ego? L'ego, c'est le jaune de l'œuf, l'âme, c'est l'œuf, puis l'astral, c'est la poule qui porte l'œuf. Alors, quand on parle du monde astral, on enveloppe tous les paramètres évolutifs mémoriels de la Terre. Là-dedans, il y aura les dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, qui sont souvent les pieds d'une mécanique divine. Il y aura les mémoires nationales, les égrégores. Il y a les mémoires akashiques, l'événement planétaire. C'est de là que vont provenir les réincarnations. C'est là que vont les âmes à la mort. C'est pour qu'on parle du monde de la mort. Alors, des fois, on prend un nouveau mot, puis c'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas ce que ça désigne. Ben, le phénomène astral, quand on parle de s'astraliser, ça veut dire qu'on s'assujettit à toute la mécanique qui est collective, parce que de toute façon, c'est de la mémoire qui se promène dans l'atmosphère. C'est la mémoire qui constitue la conscience amique, l'âme de l'homme, de la femme, de l'enfant, et l'humain est donc nécessairement collectif par l'astral. Quand on dit que quelque chose est astral, dans l'astral, il y a de l'expérience, il n'y a pas d'intelligence. Une habitude, c'est astral, mémoriel. Le mental, c'est le schéma astral ayant une analyse spécifique, mathématique, et pouvant, grâce à sa vibration élevée, entrer en contact avec le plan supramental. Donc le mental fait aussi partie de l'astral. C'est la définition que tu comprends quand tu as lu le livre. Bon. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu le couvercle. C'est intéressant. Le mental, c'est une partie de l'astral, de l'homme. Donc, le mental, c'est une capacité qu'a l'être humain de se servir des mémoires de son expérience sans la coloration émotive. Alors, parce qu'à un moment donné, tu te fais attaquer par un chat, tu vas enregistrer l'attaque du chat et ce que tu as vécu en même temps, l'émotion. Chaque fois que tu vas voir un chat, tu auras peur. Ça, c'est dans l'astral. À un moment donné, tu arrives à créer l'intellect, qui est le mental naissant, par la suite le mental. Dans l'intellect, le mental naissant ou le mental, tu pourras te servir de la mémoire du chat qui t'a agressé. La mémoire sert donc. Parce que l'émotion n'arrive pas à ce niveau-là, en voyant que le chat peut attaquer, tu n'auras pas peur du chat, mais tu sauras qu'il peut attaquer. Tu pourras être prudent. Où s'en va l'émotion dans ce temps-là, si tu enregistres cet événement-là sans émotion? Il est enregistré avec de l'émotion, mais dans ton mental, l'émotion ne vient pas, donc ça ne perturbe pas ta façon de réfléchir. Il est enregistré avec émotion, mais il est lu sans émotion? C'est ça. Dans le mental, il va être lu que l'émotion dans l'astral. Donc, quand une personne dit « garde la tête froide », c'est justement ça, c'est qu'il reste à un niveau vibratoire où tu pourras te servir de ton expérience sans être manipulé par ton facteur émotif. Tu as eu un accident automobile, puis là, ça fait qu'il faut revomir l'accident dans ta tête en te faisant revivre l'émotion. À un moment donné, ben là, tu sais, reviens sur terre, garde la tête froide, des exemples, des expressions qu'on va donner. Bon, rembarque là-dedans, tu sais que c'est dangereux, mais ça ne sert à rien d'en avoir peur. C'est pas épeurant, c'est dangereux quand on fait ceci, cela ou cela. Si l'individu est suffisamment capable de discerner son mental de son astral, de se servir de son mental, elle sera capable de revenir conduire l'automobile, de rallier se baigner ou de sauter en parachute, ou etc. Bon. Dans l'évolution solaire, l'important de différencier le mental de l'astral, c'est que mentalement, vous savez que vous ne devez pas boire. Je te donne un exemple, hein? Vous ne devez pas boire d'alcool. Ça omnibule la conscience. Ça attaque le corps physique. Disons, vous savez que mentalement, vous ne voulez pas. L'ego, lui, l'astral, fonctionnant avec l'habitude et les mémoires, veut en boire. Pour plusieurs raisons, il s'en nourrit. Il se nourrit de l'expérience émotive de la gustation de l'alcool. Alors, l'ego commence à bouger la main. Puis mentalement, non, je ne veux pas en prendre. T'as le goût, puis ça vient, puis ça tire, le mental pousse, l'ego tire, le mental pousse, l'ego tire, le mental pousse, l'ego tire, le mental pousse, l'ego tire, le mental pousse. Finalement, l'ego boit, le mental chiant. Bon. Cerner le que l'ego va essayer de saouler le mental, puis qu'elle se couche, puis se voit dans le. Si l'ego boit un peu trop, le mental perd sa vibration, puis le mental, puis le petit va. Fini. Omnibule la conscience. Mais si tu discernes les deux, dans ce que tu dis là, là, on discerne bien la différence entre les deux, mais c'est encore l'ego qui gagne pareil. Comment non, tu... C'est pas grave, cela. Dans le cheminement pour l'évolution solaire, il faut bien discerner. Parce que tant qu'on ne discerne pas, on pense que c'est nous qui faisons les choses. Donc, on se culpabilise, on continue à croire au libre-arbitre. Alors, en fait, tout à l'heure, je m'en vais, je continue mon automobile, puis là, il y a un gars qui me colle en arrière, puis commence à s'amuser à m'éclairer avec ses hauts. Juste quand je m'apprêtais à me tasser. Là, mon ego, il commence à chioler. Puis là, mentalement, je commence à m'amuser à rire. Là, je me tasse, le gars passe, puis là, je la pédale à l'enfance. Et le taux que j'ai, ça roule. Fait que là, je me rends compte, regarde le cave. que je décide, les gars décident de poursuivre l'autre pour aller l'éclairer lui aussi. Là, regarde le fer, regarde le fer. Oh, j'accélère. Regarde le fer, le câble. Regarde le fer, là. T'assises. Rends des rangs, puis là, on ralentit même punition. Oh, pas de punition, on s'amuse. L'ego, c'est ça. Mais l'individu qui ne discerne pas bien, à un moment donné, son ego prend le dessus, il colle l'autre. Puis là, il puis il en envoie. C'est pour ça qu'il rentre chez lui. Tu sais, beaucoup, tu me sens qu'on fait ta voix. Tu sais, pourquoi tu sais? Je suis pas bon, je suis faible. J'évolue même pas. Tu sais, je connais plein d'affaires, puis je continue. Je me suis ramassé à courir après un gars parce qu'il va allumer ses lumières dans mon dos. Tu rien de plus niaiseux que ça. J'ai même passé ma sortie pour le reconduire dans sa cour. Faut être niaiseux. Faut être très niaiseux quand j'ai vu débarquer 6 pieds 2. Mais c'est ça, l'ego. Alors, le mental est ce qui nous dirige, c'est nous. En réalité, c'est qu'il n'y a pas de mental. Je suis. Mais il y a de l'ego. Et pour l'ego, il y a le mental. Puis discerner entre l'un et l'autre, ça nous libère énormément parce qu'on cesse de toujours saillir, se détester, se culpabiliser, développer la honte pour des choses qu'on n'a pas fait. C'est pas moi qui accélérais, c'est mon ego. C'est pas un jeu de mots. Quand je dis souvent aux personnes, fumer, est-ce que c'est intelligent? Tu fumes, toi. Fumer, est-ce que tu es intelligent? Non, je suis sûr quand tu me demandes ça pour ça. Oui. Mais! Ça me culpabilise. C'est bon. Fumer, c'est pas intelligent. Non. Est-ce que tu es intelligent? Oui. Bon, et c'est la grosse question. Donc, une nuance entre le mental et l'astral. Quand on comprend pas, on continue. Pourquoi fumes-tu de bord? Pour payer le stade olympique. Son mental fume pas. Pour permettre aux autres de faire du sport. C'est ça à le dire, oui. Merci de payer le stade olympique. Je vais pousser ta chaise roulante plus tard. C'est ça. Mais l'intelligence, le mental fume pas. L'ego, l'habitude, fume. Alors, on ne peut pas poser la question, pourquoi fumes-tu de bord? Effectivement, il est intelligent. J'ai rien dit, moi, là. C'est ça, je savais, je lis dans tes pensées. Le mental, l'astral, le discerner, c'est cela, c'est qu'il y a beaucoup, énorme, tout ce que vous ne voulez pas faire, que vous trouvez compte faire, ben, cessez de penser que c'est vous qui le faites. Quand je dis que l'être humain est manipulé, il est habité aussi par un co-locataire, l'ego. Puis on s'est toujours identifié à l'ego. Fait quand vous pensez que c'est nous autres qui le faisaient. Puis après ça, on regrettait et on se demandait pourquoi on l'avait fait. C'est pas nous autres qui l'a fait. Ça sert à rien de vouloir se transformer. On doit s'anégoïser, faire fondre l'ego. Ça, on va revenir aussi. En s'anégoïsant, on s'énergifie. Mais c'est très important pour parvenir à embarquer sur le chemin solaire. Puis même, il y a beaucoup de personnes qui savent ce que je dis là, mais qui se font encore récupérer. Mais on doit, obligatoirement, pour pouvoir alléger énormément de choses, c'est plus moi. Quand tu as commencé à accélérer, je trouve ça comique, il y en a un paquet qui vont dire « Garde encore, garde encore, on va faire un choix, garde encore! » C'est l'ego qui chiale encore. Puis juste pour jouer au mental. Mais non, mais non, mais non, avec ce qu'on sait, à un moment donné, on commence à s'amuser. Ça fait des autos moins puissantes. Mais non, tu restes en deuxième. Arrivons pour la période de questions. J'ai de plus en plus de difficultés à me rappeler des noms de personnes. Il me faut 5 minutes, alors qu'avant, je savais ça instantanément. Quel est ce phénomène et peut-il durer longtemps? Bon, premièrement, encore un des dangers. Faites attention pour ne pas tout faire pour vous normaliser. Être normal. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont se passer, qui sont naturelles, puis on va toujours être en train d'essayer de savoir si c'est correct ou pas, ou qu'est-ce qui m'arrive, ou etc. Bon. Et c'est bon de poser des questions, mais il faut faire attention pour ne pas souffrir de les poser. J'ai eu un accident, j'avais des bas rouges, la première fois que j'en mettais, c'était à cause de ça. Bon. Je m'en ai dit de chauffer les pieds, parce que si tu continues à conduire mal. Dans la mutation neuronique, il y a une mutation cérébrale qui s'opère lorsque l'être humain avance. Et ça, elle est effective. Parce que des contacts neuroniques, des axones qui se défont, les contacts neuroniques se font différemment. Autrement dit, il y a des fils qui se cassent puis qui se branchent ailleurs, pour simplifier. Parce que notre cheminement de pensée est habitué à suivre un certain chemin, quand il est cassé, pour devenir plus rationnel, ça va créer un cheminement plus efficace, on perd la mémoire. Quand il y a une mortalité neuronique régulière, on perd des neurones quotidiennement. Alors, de temps en temps, quand on vous pose certaines questions, mais là, on l'a sur le bout de la langue, là, t'as beau te cracher à terre, tu peux pas le lire. Bon, presque. Cesse d'y penser, ça va revenir. Les contacts vont se refaire. Dans la mutation neuronique, veut pas, à un moment donné, les personnes, c'est une phase qui est que tout le monde ne vit pas, passent par des pertes de mémoire, sont passagères, mais la personne ne doit pas s'en faire, puis à un moment donné, l'individu, et là, ce que je vais dire est peut-être difficile à comprendre, à un moment donné, vous allez finir par devoir vivre sans aucune mémoire. Aucune. Tu ne te rappelleras même pas qui est ta femme. Je ne me souviens pas de ce que tu disais, là. Et ça fait peur à l'ego. Parce que l'ego, pas de mémoire, plus d'ego. Mais comment je vais faire d'abord pour me rendre chez moi? Tu vas faire conduire, tu ne te rappelleras même plus qu'arrêt, ça veut dire stop. Non. Mais tu te rappelles que stop veut dire arrêt. Non. Ce qui arrive, par contre, c'est que tu vas savoir qui est ta femme. Tu vas savoir où tu restes quand c'est nécessaire que tu le saches. Tu vas savoir tout ce que tu as besoin de savoir. C'était trop moi, je suis allé chez vous. Ta femme va savoir où ce que tu es. Donc, une nuance majeure, c'est que je ne me rappellerai pas où je reste, mais je vais le savoir quand ça va être le temps. Oui, on va venir te chercher. Regarde, je dis souvent que moi, quand je me promène, je me perds toujours où je vais. Dernièrement, je vais faire une conférence dans une école quelque part au nord de Montréal. Tourne à gauche, tourne à droite, il pleut, averse. C'est le soir, on voit rien, les pancartes. Ils te mettent toujours les noms de rue là-bas dans le champ. Le frérot, tu débarques pour aller voir, pour savoir si c'est là où tu tournes. Hein? Alors tu roules, tourne à gauche, tourne à droite, t'en vas pas, soit quatre, traverse un pont, traverse un chemin de fer, tourne à droite, puis là, tu te dis, bon, ben là, je t'en ai. Ça, c'est l'ego. Tu débarques, tu vas voir la personne, dis telle école, là, telle rue, ça vous ce que c'est. Ah ben oui, vous tournez la lumière là, c'est sur le coin là-bas. Mais toutes les rues que j'ai faites, je vais prendre n'importe quel autre chemin. À un moment donné, il y a toujours un petit peu de fausse humilité qui apparaît. On pourra en reparler, ça nuit. C'est pas grave, ça nuit. Mais effectivement, à un moment donné, l'humain n'aura plus de mémoire. Il va savoir. La personne ici, elle perd les noms. Simplement qu'elle avait une structure neuronique lui permettant de codifier les noms pour s'en rappeler. D'autres, ce sera les numéros de téléphone. D'autres, ce sera les visages. Parce qu'il y a des changements qui s'opèrent au niveau du cerveau par le vieillissement ou par l'évolution, à un moment donné, il y a des choses de mémoire qu'on était habitué qu'on perd. Puis ça va se venir différemment, ça va se retrouver, ça ne se retrouvera pas. Mais faites-vous en pas, vous allez rester aussi efficace que vous l'êtes. Que pensez-vous du mariage? Ah, oh, c'est très bon. C'est une bonne chose. Si la tradition peut sauver un couple, n'est-ce pas bon plutôt que de perdre l'autre? Ah, faut faire attention. Si le couple est plus important que les deux individus, oui. Sauvons le couple. Ne pensez-vous pas qu'il est mieux de se marier plutôt que de risquer la séparation si l'autre conjoint veut? Mais non. C'est comme de dire, en cas qu'il devrait s'en aller, je préfère l'avoir attaché pour être sûr qu'il va rester là. Non. Parce que ça fait partie des traditions. C'est prouvé que les personnes qui ne sont pas mariées, on parle de personnes relativement stables, comme la majorité qui vont se marier, restent ensemble bien plus longtemps et ont beaucoup moins de problèmes que ceux qui sont mariés. Je ne parle pas du passé. Vous savez qu'antiquement, on se mariait pour la vie, mais on mourait à 35 ans. Mais à un moment donné, quand tu te maries pour la vie puis qu'on vit jusqu'à 70 ans, c'est plus garanti que les deux personnes n'auront pas pris une tangente à un moment donné. Le mariage, c'est signer dans la matière quelque chose qui se fait dans l'astral, dans le ciel. Signer dans la matière quelque chose qu'on veut booker ailleurs, c'est important. En se mariant, on se fusionne dans le monde de la mort. En mourant, on risque fortement, on risque pas, mais de fortes chances qu'on se fusionne dans le monde de la mort, puis quand on va se réincarner, qu'on soit unitaire dans le même corps. C'est ça, être marié pour l'éternité. Mais il n'y a pas... C'est bon! La réincarnation se fait pas d'homme à homme, de femme à femme? Toutes les parties masculines qui auront absorbé les parties féminines vont se réincarner dans la femme qui va revenir. Toute l'expérience que tu auras de ta femme, c'est féminin. Ça sera été coloré par l'homme, puis ça va se réincarner dans un corps de femme après. Il y aura un mélange entre les deux. Il y a aussi, c'est la même chose. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se marie, ce sont les individus temporellement présents qui se marient. Et donc, ce sont leurs âmes dans le monde de la mort qui temporellement présentes se marient. Mais à un moment donné, il y a une grosse partie de ton âme que tu vas transformer, que tu vas... Pas tout le monde, mais ça arrive. La vie va sectionner une partie, tu mutes, tu changes ailleurs. Et ce qu'il y a maintenant qui reste ensemble peut ne plus avoir à rester ensemble. Mais si les personnes se divorcent, ils ne défont pas ce qui a été lié dans le monde de la mort ou dans le ciel. C'est pas des faits. Sauf que s'ils ne divorcent pas bien souvent, là, ils vont commencer à faire pourrir ce qui est placé en haut. Mais pourquoi, si tu le fusionnes en faisant un contrat dans la matière, tu le défusionnes pas, tu le dissocies pas en défaisant un contrat? Parce que ceux qui divorcent ne sont pas ceux qui se sont mariés. Quand tu te maries, tu t'aimes, tu baignes, il y a une harmonie, il y a une réciprocité. Mais 25 ans après, là, si la réciprocité, c'est que quand tu me tires une assiette, je t'en tire une. S'il y a un divorce, c'est pas ceux qui sont mariés qui se divorcent. C'est ceux qui sont devenus ceux qui sont... Ben, c'est ceux qui sont présents là. Tu n'as rien défait de ce qui était en haut. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'on doit faire attention, sauver un couple. Sauver un couple au détriment des individus qui évoluent, le couple est question de loi. La loi ne passe jamais avant l'être humain. C'est une loi du monde astral, c'est une loi du monde de l'évolution, c'est une loi qui est convenable. Et parce que l'être humain ne savait pas comment signer dans la matière pour confirmer dans l'astral une chose, dans le monde de la mort, donc dans le ciel, bien nécessairement, il y a des traditions qui... Mais là, évidemment, la question est d'envergure, qui archétypalement, au niveau des agrégats, va faire en sorte d'obliger dans le monde de la mort à confirmer ce que l'humain veut faire en bas. L'humain manipule le manipulateur. Mais il vient un moment donné où, ce que s'il n'y a plus de vibration, c'est comme lorsque ton enfant quitte la maison, est-ce que tu casses quelque chose? Traditionnellement, les enfants, ils restaient là. Puis, ils ramassaient le troupeau, ils ramassaient la maison, et ça a toujours été comme ça. Abraham, puis on peut en mettre jusqu'à très longtemps. Mais à un moment donné, les enfants, ils s'en vont. C'est comme si on brisait. Non, c'est plus ton enfant. Tu n'appartiens plus. Tu ne brises rien. L'enfant que tu as aimé est toujours là. Au niveau du monde de la mort, toujours en relation. Après ça, tu seras ami d'un adulte. Que tu diras, c'est mon enfant. Mais ça sera un adulte. La relation n'est plus la même. Est-ce que astralement, les âmes sont fusionnées aussi entre les parents et les enfants? Absolument. Ça veut dire, comme il n'y a pas eu de contrat entre le père et la mère, c'est-à-dire entre l'enfant et le père et la mère. Il y en a un qui est génétique. Il y en a un génétique, mais est-ce que dans le fait d'habiter ensemble un couple d'hommes et femmes, ou un couple de n'importe quoi, le fait d'habiter ensemble, est-ce que ça fusionne les deux âmes sans contrat de mariage? Absolument, sauf... Ça fait que ça ne change rien, le contrat. Oui, ça change énormément. Le contrat de mariage se fait pour les individus qui, sans contrat de mariage, ne pourront pas rester ensemble. L'animal, dans l'animal humain, s'accouple et s'en va. Il n'y a pas de fusion dans le monde de la mort, dans le ciel. Parce qu'on obligera le mariage, le mâle devra rester avec la femelle longtemps. Tu sais, quand on dit qu'il y a tel animal, là, c'est exceptionnel les animaux qui s'accouplent et qui restent ensemble pour la vie, comme les poulards. Tu sais, c'est rare qu'ils se font face comme l'humain. Mais l'humain, c'est à cause du mariage. Parce que retourne dans le passé, tu vois, avec les femelles, le bonhomme est courant maudit. Il n'y a pas de mariage, puisque ça, la femme et les enfants, on était dans une société tribale, puis on s'occupait de tout ça. Maintenant que le mariage a imposé une stabilité du point de vue des relations dans le monde de la mort, ce qui est essentiel, aujourd'hui, on peut en arriver à avoir une conscience où on va réinventer la tradition. On n'aura pas besoin du mariage, parce qu'on comprend l'importance d'une chose. Donc, on ne se marie pas. On fusionne quand même. Mais c'est un mariage quand même. Ben oui, mais c'est pas un mariage. Même celui qui se marie, pas devant l'église, mais devant le maire, devant un capitaine de bateau, c'est la même chose. On concrétise, on confirme. Tu as un enfant, tu es marié. Parce que tu as confirmé dans la matière des choses. Le mariage, finalement, pour celui qui ne comprend pas, devient simplement un prétexte légal pour le garder autour de lui. Mais le mariage, c'est autre chose que ça. Par deux fois, deux personnes différentes m'ont vu, moi couché et moi debout. Qu'est-ce que c'était? Une autre fois, la personne était entre nous deux, moi émotif et moi animatif. Bon, premièrement, ce qui arrive, c'est que vous avez énormément de mémoires qui sont déjà placées dans le monde de la mort, alors c'est possible qu'une personne ait pu penser à vous consciemment ou inconsciemment, ait pu vous avoir personnifié, ça peut être, il y a tellement de choses, la question d'envergure, chose certaine, ça fait pas mal, c'est pas dangereux, il n'est pas mort. Puis si un jour on peut faire des conférences à deux places en même temps, ça va être intéressant. Il y a énormément de mécaniques. La personne dormait-elle, ne dormait-elle pas? Il y a plusieurs choses qu'ils peuvent voir, mais ça rapporte quand même à simplement une forme de duplication des mémoires du monde de la mort, donc de l'astral. Alors ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Une personne peut le voir, les autres ne le voient pas, parce qu'on est collectif, on va dire, bien, celle qui l'a vu, là, c'est des visions qu'elle a. Comme certains souvent vont dire à propos de phénomènes extraterrestres ou de phénomènes simplement surnaturels. Je vois la vie comme un grand fleuve. Je suis une goutte compressée par toutes les autres gouttes. Exténuée, je veux faire mon petit remous. Moi, ça ne change pas le cours du fleuve. Mais ça ne change pas le cours du fleuve. Nous sommes tous comme cela à vouloir attraper une vérité pour changer le cours du fleuve et nous faisons que de petits remous futiles et inutiles. Toutes les vérités que je peux avoir l'impression d'attraper en t'écoutant ne changeront rien à rien au grand fleuve. Qu'espères-tu? Pourquoi nous parles-tu? Qu'est-ce que l'énergie qui passe dans ta voix peut y changer? Sans répondre à plusieurs choses que la personne se répondra elle-même, chaque petit remous dans le grand fleuve engendre une accélération de l'érosion. Puis on sait que l'érosion change les canals, change les fleuves, puis change les directions. Le Grand Canyon, il y a 120 millions d'années, vous auriez pu l'enjamber. Aujourd'hui, essayez pas ça. Alors, tout ce qu'elle dit est vrai et faux. Parce que ces petits remous qu'elle fait, ça change tout. Je réexplique aussi. On a le canal de Panama, on a l'océan Atlantique, on a l'océan Pacifique. Disons que la source de l'énergie qui nous traverse, elle est du Pacifique. Intelligence supramentale. Ce qui est dans l'Antiquité a créé les traditions. Chaque être humain qui approche de la première écluse, l'océan Atlantique, la tradition, le passé, l'astral. La personne qui commence à se conscientiser, elle rentre dans une écluse. Quand on ferme les portes de l'écluse, là, ben, le petit bateau, là, il voit des grands murs, il voit plus rien à peur en Christie. Là, on commence à remplir l'écluse. Mais l'eau qui rentre là-dedans, ça rentre. Il y a des tabarouettes de remous. La personne est sûre qu'elle s'est faite avoir, elle risque de se frapper partout. Les amarres risquent de se briser. Il faut qu'elle les sucre régulièrement au fur et à mesure qu'elle monte. C'est vraiment l'enfer, apparemment. Quand elle arrive en haut, ben là, elle voit mieux. Puis elle voit l'océan Atlantique, c'est un autre niveau. Ben là, elle commence à être contente. Il y a d'autres écluses à traverser. Mais l'eau qu'on a mis là, c'est l'eau qui vient du Pacifique. Quand elle va traverser dans l'autre écluse, on va encore fermer les portes. Elle va encore être dans un endroit où elle doit se dire, je suis encore tout seul. Puis en bas, pour faire monter un autre bateau, on va ouvrir l'écluse en bas, puis l'eau du Pacifique descend dans l'océan Atlantique. C'est sûr que chaque petite cuillerée à thé d'eau de l'océan Pacifique fait monter le niveau d'eau de l'océan Atlantique. À peine. Et c'est ça qui se passe pareil. Puis progressivement, bien, l'eau de l'océan Atlantique devient très colorée de l'eau de l'océan Pacifique. Puis pendant ce temps-là, bien, il y a des personnages qui grimpent et qui s'en vont. Moi, j'espère absolument rien. Je me sers de mes conférences. Puis les individus, la personne, elle se déplace, elle vient écouter. Et nécessairement, il y a quelque chose qui l'a amené ici. Quand elle dit, je ne fais qu'un petit remous, l'aigle Valéza, il a fait un petit remous en Pologne. petit remous engendrait un autre remous chez la voisine, chez le voisin. Et petit remous engendrait la libération de la Pologne, petit remous sa planète. Libération de l'Allemagne, Tchécoslovaquie, Roumanie, puis ah oui donc. Petit remous. Et petit remous deviendra grand. Petit remous qui? C'est un problème dans l'écologie, dans la conscience humaine, puis je dis ça encore une fois, faites attention. Pourquoi être écologique? C'est pas mon clignet, pas qui va changer quelque chose. C'est qu'un petit remous dans l'écologie, c'est intelligent de le faire, jetez le pu. On n'a rien à voir avec les autres. Faites le pu, c'est brillant qu'on le fasse pas. Et à un moment donné, ben, il y en a d'autres, à un moment donné, ils vont commencer à goûter votre remous. Quand le remous va devenir un tourbillon, vous allez voir que le courant du feu va commencer à bouger aussi. Est-il parfaitement exact qu'il faut qu'intensifier son passé jusqu'au présent, puis surdimensionner son présent par le relais du futur avant de pouvoir retrouver la synthèse intemporelle immortelle? Alors, j'ai répondu comme elle l'a posé la question. La personne s'amuse. N'empêche que dans l'amusement, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Non. Le passé, on n'en a rien à faire. De surdimensionner son présent, ça serait quoi? Ça serait de se créer de l'illusion pour essayer de... C'est comme du positivisme, si on définit les mots. Par le relais du futur, avant de pouvoir retrouver la synthèse intemporelle et immortelle, si c'est intemporel, on parle même pas d'immortel. Bon, il n'y a même pas de vie dans l'intemporel, c'est de l'instantané. Tout ce que l'être humain a à faire, c'est de ne pas vivre dans le temps, de ne pas vivre dans la mémoire. Je réponds au niveau de la question. Quand on dit être ici et maintenant, on n'a rien compris. On ne peut pas être ici, ça implique du temps. Maintenant, ça implique l'espace, on n'est pas instantané. Pour être ici maintenant, il faut le savoir. Si tu le sais, tu es dans le passé, tu regardes ta mémoire. Quand la personne n'aura plus rien, puis qu'elle aura tout, c'est correct. Quand on dit conserver l'univers dans un grain de sable, on n'a rien compris. Le grain de sable est immense. Parvenir à avoir l'éternité dans une seconde, on n'a rien compris non plus. C'est de la philosophie. Non. Des êtres qui sont créés in vitro, supposément sans émotion, auront-ils une meilleure évolution que la nôtre? Que sont-ils, ces êtres? Ces êtres in vitro sont créés avec de l'émotion. La génétique du spermatozoïde et de l'ovule est déjà émotivisée. En plus, plus souvent qu'autrement, ils vont être implantés dans l'utérus d'une mère. La mère, par son sang qui contient des hormones, par le sang hormonisé, et l'hormone est ce qui, dans le corps physique, traduit notre émotivité, nourrit le fœtus, donc drogue le fœtus à coup d'hormones. Le fœtus découvre l'émotivité de la mère, donc la mère s'incarne déjà dedans, et l'enfant aura donc de l'émotion. Par contre, si on serait capable de prendre un spermatozoïde et un ovule et de créer une gestation artificielle pendant 9 mois, on aurait un corps physique qui est capable de vivre de l'émotion, mais l'enfant ne serait pas autant coloré par le parent. La problématique, et c'est pourquoi ça n'arrivera pas, la problématique, c'est qu'on met des enfants au monde pour se réincarner dedans après. Donc, si on n'a aucun contact avec, on met l'enfant au monde, puis on pourra même pas s'incarner dedans. De ce fait, la mécanique n'existera jamais. L'humain ne parviendra pas à faire ce genre de clonage, par exemple, où on ne touche même pas à l'intra-utérin. Tu parlais plutôt des larmes comme sentiment. Qu'en est-il du frisson? Exemple, lorsque je fais du sport et que je réussis un bon coup, l'arrêt spectaculaire au hockey, par exemple, il me passe de gros frissons sans que je fasse ma vedette pour autant. Oui, mais le frisson, c'est similaire. Il y a simplement un flot d'énergie vitale, un peu comme les larmes, à un moment donné, va se passer. Sauf que dans les larmes, on va rejeter une partie d'antium. On pourra à un moment donné revenir sur ce que c'est. Alors que le frisson, c'est l'accumulation d'énergie. Il y a énergification. Ça ne veut pas dire qu'on a passé sa vie à pleurer et à frissonner. Bon. Mais la mécanique, elle est là. Le frisson, c'est premièrement l'expression d'un champ d'énergie vitale. On parle de quelque chose, puis on commence à sentir des affaires. les sens italiques s'éveillent. Mais dans un arrêt, par exemple, qui est esthétique, esthétique pourquoi? Parce que l'arrêt, il est formidable. Il y a un esthétisme là-dedans. Et l'individu boit l'esthétisme de son arrêt. Et c'est bien. Et automatiquement, l'énergie circule, puis elle sent plusieurs choses. Si elle l'égoïse, c'est-à-dire que si elle en est fière, elle dit que non, si elle en serait fière, elle transformerait le sentiment en émotion. Et là, ce serait nuisible. Nuisible, non, mais c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se servir de son énergie autant. Parce que justement, elle frissonne, donc elle absorbe l'énergie. Vous voyez un paysage génial, puis vous frissonnez ou vous pleurez, ou il y a plusieurs choses qui vont se passer, vous vous abreuvez en énergie. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Mais ça amène à l'énergification. Dans le début, ça fait perdre son énergie, puis évidemment, après ça, la ramasser. Peu avant les fêtes, mon père est décédé, cela faisait donc relativement peu longtemps. Par contre, j'ai souvent l'impression que cela fait énormément longtemps. En fait, j'ai souvent l'impression qu'il n'a jamais existé, à remarquer que cela ne me trouble pas. Ce que je veux savoir, est-ce cela que de courber le temps? Sinon, donne un exemple de ce que c'est de courber le temps. Bon, exactement. Ce que la personne présentement fait, c'est qu'elle est de plus en plus déphasée sur le temps. Donc, elle a effectivement commencé, au niveau de la conscience, à faire une courbure du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne souffrira pas, d'ailleurs c'est ce qui arrive aussi, elle ne vivra pas les conditions astrales, émotives, lunaires, de l'animal humain, de la même façon. C'est exactement comme si son corps chemine dans le temps qui succède à la mort de son père, mais sa conscience en vit juste des petites bribes. D'où l'idée, à un moment donné, que ça fait 20 fois que j'y pense, disons. Mettons que ça fait 20 fois que j'en ai conscience, c'est comme ça ferait 20 jours. Mais en réalité, ça fait 2 fois que j'y pense, c'est comme ça faisait 2 jours. Donc, c'est comme, à un moment donné, la personne va finir par avoir l'impression d'un vide total, où elle aura l'impression que ça fait longtemps parce que c'est ténu, comme si c'était oublié, comme si ça datait. De temps en temps, même en conférence, je vais arriver pour donner une date, puis des fois, je ne sais même plus si on est en l'an 2000 ou si on est en l'an 1900 quelque chose. Bon. Ben, effectivement, je dois m'arrêter, fouiller, trouver un calendrier, il y en a créé dans l'astral. Puis là, je regarde à quelle date qu'on est. La personne, donc, ce qu'elle a, c'est ça. Il y a des parties chez elle qui commencent à se détacher de la souffrance traditionnelle parce qu'elle chemine dans le temps. Il y a une partie de sa conscience qui va beaucoup plus loin. Mélangé avec ce qui est ici présentement, ce qui donne l'illusion, enfin l'impression. Je lisais de la naissance à la mort et tu écrivais que plus l'intellect se développe, plus le cerveau se développe. Donc l'intelligence pourra passer par les conscientisés. Par contre, je connais des gens qui sont beaucoup plus intellectuels, donc qui sont plus mémoriels que moi. Je suis certain qu'ils connaîtraient plus de succès académique que moi. Par contre, il ne comprendrait pas grand-chose à ce que tu expliques. Moi, je n'ai aucune difficulté à comprendre. Comment se fait-il qu'une personne intelligente n'est pas nécessairement intellectuante? L'intellectuance, c'est lorsque l'on fait plus confiance à l'expression de ce que l'on a appris. L'intelligence, c'est lorsque l'on fait plus confiance à ce qu'on découvre. L'intellectuance, c'est la capacité qu'un humain de se rappeler ce qu'il a appris lorsque c'est nécessaire. L'intelligence, c'est la capacité qu'a un humain de savoir une chose lorsque c'est nécessaire. Donc, celui qui est intellectuel, qui privilégie l'intellectuel, chaque fois qu'il a de l'intuition, il ne fait pas confiance à ça. Il n'a pas d'un livre. L'intelligent, lui, il va faire confiance, donc il peut évidemment s'en aller sur des chemins neufs. De temps en temps, c'est problématique. De temps en temps, c'est convenable, mais tous ceux qui font avancer l'humanité, ce sont des êtres humains qui privilégient l'intelligence dans l'expression. L'intellect engendre le mental. Le mental finit par permettre le contact supramental. C'est pourquoi que l'intellectuel, l'intellectuance, va permettre la descente ou l'expression d'intelligence. À la condition que l'humain ne reste pas dans une synergie intellectuelle. Si une personne prend des cours de chant avec plusieurs personnes, elle apprend les mêmes chansons que les autres. Est-elle collective? Non. Si jamais elle ne peut s'autoriser à essayer à chanter d'autres choses quand elle est toute seule, elle est collective. À moins que ce soit des chansons à la pompe. Être collectif ne veut pas dire faire en même temps que les autres la même chose que les autres. Être collectif veut dire ne pouvoir faire autrement que comme les autres. Je vous dis encore une fois, on vous dit, bon, ben, on part chacun notre tour, on va chanter une chanson. Et là, tout le monde chante Frère Jacques, tout le monde a appris ça. La deuxième, ben, elle chante Frère Jacques aussi. La troisième, ben, elle chante Frère Jacques aussi. La quatrième, elle chante Coucou Machin. La cinquième, Coucou Machin. Et la sixième, Coucou Machin. Mais il y en a un des deux là-dedans qui n'était pas collectif, les autres, ils suivent tout le temps. Exactement comme si vous dépassez, vous arrivez devant un feu rouge, le feu tombe au vert, tombe pas, mais disons qu'il change au vert, et il y a beaucoup d'automobiles, puis à droite, c'est vide, ou à gauche, c'est vide. Disons, à gauche, c'est vide, on peut passer. Tout le monde attend. Vous, subitement, vous décidez de passer. Êtes-vous collectif parce que vous dépassez les autres? Non. Toutes les gens en arrière de vous, ils regardent, ils voient passer, ah ben ils passent tous, ils sont collectifs. Mais toi, tu peux dire, à un moment donné, « Ah, oh, il était temps qu'il passe, Christy, que je puisse me tasser, toi aussi tu passes. » Tu n'es pas collectif. Tu étais empêché de passer. Mais bien souvent, c'est ce qui va arriver. Il y a un paquet de personnes après ça qui vont suivre. Alors, il y a une grande nuance. Être collectif, c'est pas dépasser du monde ou de chanter du monde. Imaginez, qu'est-ce que ça serait. Quand vous marchez dehors dans la rue, il y a d'autres qui marchent. Hey, hein, faites tes collectifs. Non? C'est le moyen que tu as pour te déplacer à pied. Pour arrêter de respirer, les autres respirent. C'est ça. Quand un bon matin, tu te lèves et que tu te poses la question, qu'est-ce que la vie? Ça, c'est le genre de question niaiseuse qu'il faut poser. Ça, c'est dangereux. Les questions, justement, il faut vraiment se poser. Bon. Est-ce que ça explique quelque chose et que doit-on répondre à cette question? Oui. Une question, c'est le contact avec votre intelligence. Une question neuve, pas une question apprise. Ou une question qui a une nouvelle saveur. La personne a pu... bon, qu'est-ce que la vie? On a pu l'avoir appris. La façon dont la question est posée, c'est qu'un beau jour, sans m'en rendre compte, je me lève, puis subitement, elle a une nouvelle saveur. Qu'est-ce que la vie? À quoi sert la vie? C'est simplement la preuve que vous avez un contact avec du neuf, un contact avec votre esprit, donc avec vous-même. Tout ce qu'il y a, c'est que le contact étant tellement ténu que tout ce qui va rester, c'est la question sans la réponse. Puis la réponse, on la cherche normalement pour sécuriser notre ego. On ne doit pas chercher la réponse. Un jour, elle va venir, ça va passer comme le reste, ça va être correct. Puis vous ne pourrez pas vous dire, « Ah, c'est ça la réponse à ma question! » Non, la question va disparaître. C'est juste ça qui va arriver. Ce sera la preuve que tu auras la réponse. La question va se dissoudre. Parce que la question, c'est une partie qui manque. Quand ta question se dissout à travers ton vécu, la réponse, elle est là. Donc, une personne qui avance ne peut pas se dire, « Ah, ben là, je commence à être un sage, je connais ceci, je sais cela. » Non. C'est facile. La vie devient de plus en plus plaisante, se pose de moins en moins de questions. Si on a la question, c'est donc forcément parce qu'on a déjà la réponse? Oui, c'est que la réponse t'a traversé, mais tu n'as pas su l'exprimer, tu n'as pas su en faire quelque chose. Tu as mémorisé une partie de l'énergie, quelle qu'elle soit... Ça sera une question. Parce qu'il manque le reste. La question, c'est qu'est-ce que le reste? À quoi je suis attribuable? Bon, donc, quelle que soit la partie de l'énergie qui te traverse, il reste cela. C'est pourquoi tout à l'heure, on disait, bon, accepter les choses neuves, ça veut dire poser des questions neuves aussi. Pas s'efforcer à en poser, il y en aura. Quand, à un moment donné, la question se dissout, c'est que la vie vient là. Quand je dis qu'à un moment donné, on se pose de moins en moins de questions, c'est pas parce qu'on est de plus en plus obscurci. C'est parce que de plus en plus, on sait. Il y a moins de questions. Est-ce que je peux me réincarner dans le corps qui est fait à partir de mes cellules, par clonage, et continuer l'évolution que j'entreprenais dans le corps que j'ai actuellement? Absolument. Quand on s'épuise à vouloir réussir, qu'est-ce qui pousse les choses à vouloir se replacer pour le mieux quand on est prêt à tout laisser tomber? C'est simplement parce que dans le monde de la mort, il y a des entités grégoriennes, des mémoires, qui se nourrissent de vos efforts. Quand vous voulez tout sacrer cela, bien, on vous donne un répit. Là, je sais pas. Elle allait recommencer, elle va recommencer à se nourrir. C'est une poigne, ça. Ah oui. Exactement comme tu... La journée, bon, tu vis avec ta femme, toi, vous vous engueulez régulièrement. Ça va bien, quoi. C'est ça. La journée que vous voulez vous divorcer, mais l'astral qui vous manipule parce qu'elle se nourrit de votre colère va vous laisser un répit. Là, tu as commencé à nostalgiser, te rappeler des beaux temps, les ici et ça. Vous allez commencer à vous rapprocher. 3 mois après, c'est peut-être revenu pareil. On laisse un répit. La personne qui en a marre de la vie, à un moment donné, elle veut tout foutre en l'air, puis ça commence à aller mieux. On laisse un répit. Ce qui fait que jamais tu arrives au fond de l'écœurement de l'écœurement. Puis souvent, c'est essentiel pour que tu accomplisses quelque chose qui va te libérer. L'astral joue ce genre de jeu. La personne est prête à tout vouloir lâcher, tout semble aller mieux. Si on aurait fait un test supplémental, une vérification expérientielle, comme on l'a vu dans les conférences du premier mois, c'est janvier, je crois, si on fait une vérification supplémentale, on va se mettre des limitations. Si on arrive à la limite et ça n'a pas bougé, on laisse tomber. Si on a traversé, ça va se replacer avant la limite. Mais dans plusieurs cas, souvent, c'est juste ça qu'on veut faire. C'est qu'on te niaise assez pour que tu finisses par démissionner. Puis juste quand tu es prêt à le faire, ben là, on te donne 5$ d'augmentation par année. Là, c'est juste correct. Bon, fait que là, ben là, ça calme. Puis après ça, on recommence. Un exemple, j'en ai marre du gars ou de la fille avec qui je travaille. Puis là, je suis prêt à tout lâcher. Bon, à part en vacances 2 mois. Là, je ne fais pas tout de suite. Puis, quand elle revient, ben, recommence. Quand là, je suis bien tanné, ben là, la grippe n'est pas là. C'est toi qui parles en vacances. Puis, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on peut se faire narguer longtemps comme ça. Comment énergiser avec les pouces et les genoux? En appliquant les pouces sur les genoux. Si on rêve que Dieu nous brûle de l'avoir regardé, est-ce un rêve initiatique? C'est plutôt un rêve... thermique. Bon, comment énergiser avec les pouces et les genoux? Faites ça comme vous voudrez, chose certaine. Si vous faites du pouce, mettez vos genoux. Dans les pouces, il y a des méridiens d'énergie ici qui expriment énormément d'énergie. D'ailleurs, tous les doigts vont le faire. Hein, quand on fait de la méditation, quand ils enseignent, ils disent, par exemple, de mettre le petit doigt sur le pouce. Ou comme ça. On ne sait pas pourquoi, parce que demain, on ne sait plus jamais pourquoi. Hein? Mais il faut que tu fasses ça aussi quand tu accouches. Oui, c'est parce qu'en faisant ça, tu ralentis ta respiration, tu ralentis ton cœur. Là, tu ralentis ton système digestif, le petit intestin, tu ralentis ton système respiratoire. Question de méridien. C'est quoi le circuit? Puis ça, on ne sait plus. Bon. Tu peux effectivement les magnétiser avec les pouces. Les genoux. Où on a le tibia et on a le péroné, où il y a la jonction, il y a un point d'acupuncture extrêmement intéressant. La personne qui stimulerait ça, qui stimulerait entre, ici sur la peau, entre l'index et le pouce, et un point à l'appendice qui se foyait dans le bas du sternum, régulièrement, pas des aiguilles. Les aiguilles, à la longue, détruisent les points d'acupuncture. Mais disons qu'un laser ou qu'un massage, et elle se bâtit une santé très intéressante. Il y a énormément d'énergie, donc, qui peuvent sortir par là. Magnétiser, ça a toujours un danger. Si la personne ne sait pas certaines choses, c'est qu'elle pourrait émettre de l'énergie, et en échange, elle ramassera l'énergie pathologique de l'autre individu. Donc, c'est mieux de le faire à soi-même que de le faire à... Il y a plusieurs choses. Donc, le magnétisme, on pourrait maintenant en reparler, mais il y a certaines complications. Il y a une conférence que j'ai faite, je crois, c'est la guérison ésotérique ou quelque chose dans le genre de la guérison énergétique. On pourra fouiller, m'en donner sûrement plus d'informations, là, mais... Si on rêve que Dieu nous brûle de l'avoir regardé, est-ce un rêve initiatique? Non, Dieu est jaloux. Oui. Entre le sommeil et l'éveil, ça charrie dans ma tête et je demande qui parle brusquement. Comment faire pour me débarrasser de la réponse? Entre le sommeil et l'éveil, vous êtes... possiblement dans un voyage astral plus conscient. Étant plus conscient, évidemment, vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous. Est-ce une bonne question à poser? Les questions sont toutes bonnes parce qu'elles vous obligent à conscientiser de l'énergie qui vous traverse. Pourtant, c'est réglé. Comment faire pour me débarrasser de la réponse? Quand vous... La seule chose que vous avez à faire, c'est que quand ça arrive, puis que vous êtes entre les deux états, puis que ça vous parle, etc., Mais observez. Asseyez-vous sur un fauteuil confortable, là, puis observez le film qui passe en avant de vous. Vous allez voir qu'il y a un paquet de réponses qui vont apparaître, puis il y a un paquet d'affaires qui vont disparaître aussi. Pourquoi est-ce difficile de faire de la synergie entre les gens qui se conscientisent? Parce que les gens qui se conscientisent, c'est la pire espèce d'humain qui est pour sa planète. Mais c'est la meilleure espèce d'humain que sa planète. Un être humain qui se conscientise doit parvenir à être individuel dans sa conscience. De ce fait, s'il n'a pas la capacité de le faire facilement, il entrera en confrontation avec les autres pour finalement se retrouver tout seul. Se retrouvant tout seul, c'est souffrant, mais se retrouvant tout seul, il sera obligé maintenant de devenir individuel. C'est pourquoi ceux qui se conscientisent sont normalement des sauvages. Il faut faire attention, c'est pas péjoratif ce que je dis là. Moi, je travaille avec des gens, on est 20 ou 25 sauvages. Quelqu'un qui nous verrait, il dirait, crime, c'est du monde social. Moi, là, parler de savoir. Une tribu. Ah oui. C'est toutes des sauvages dans leur famille. Ils sont tous catalogués comme sauvages. On dit qu'on s'entend bien, sauvage. Et ce qui arrive, donc, c'est que si l'intelligence ne prédomine pas assez, autrement dit, si on n'applique pas suffisamment les choses que l'on sait, si on ne fait pas l'effort de... Si on n'autorise pas quelqu'un d'autre à être notre autodisciplinaire, hey, tu te fais charrier, là. L'autre a raison. On ne peut plus venir que moi, t'as rien à voir, il a raison. Et quand tu regardes dans le miroir, là, pour voir ce que c'est qui est les boutons, là, le miroir n'est pas plus évolué que toi, mais il te le dit en maudit ce qui est le bouton. Ça n'a rien à voir. Il voit l'extérieur. Bon. Alors donc, pourquoi c'est difficile de faire une synergie? C'est parce que le moment qu'on commence à faire une synergie, les êtres humains qui se conscientisent, qui ont encore trop d'ego, aussi on crée une synergie égoïque. Et c'est toujours l'idée. Il y a trois façons de régler le problème. La sienne, la mienne. Laquelle est la meilleure? Les trois sont bonnes. Alors, tire avec une scène à trois faces, les trois sont bonnes. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la synergie, dans la personne qui se conscientise, c'est lui qui prend, qui décide, me fait manipuler. Si lui me fait manipuler, c'est moi qui décide. Mais là, on dit la même affaire. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on se fait tout manipuler. C'est en train de niaiser, là. Et c'est pourquoi la synergie devient si pénible à créer, parce que les individus n'ont pas tout à fait compris que, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée une solution. Il faut rien savoir que c'est qu'il l'a mis, c'est pas méritoire. C'est toujours une solution à mon emploi. Et le gars est qualifié. Non, je suis très qualifié, je le laisse travailler. Et c'est peut-être le mérite, le ci, le ça. Le problème, c'est qu'on crée toujours un snobisme de l'évolution, puis ceux qui se conscientisent risquent de vivre ce phénomène où on se réunit, on parle, on crée une synergie. Comme je disais à un moment donné, faites un jeu, pose une question, puis l'autre, il en pose une plus haute, puis l'autre, une plus forte, puis l'autre, une plus dure à répondre. Tu crées une christie de synergie. Mais à un moment donné, ah non, celle-là, t'es pas haute. Parce que l'ego de l'autre commence à dire à l'autre. Là, on commence à perdre totalement le réchauffement de l'affaire. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que les individus n'ont pas encore, ça s'en vient, n'ont pas encore tout à fait compris que être individuel ne veut pas dire être tout seul sa planète. Est-ce que c'est une étape, par contre, par laquelle il faut passer pour s'autoriser à être, non, comme tu disais? Oui, c'est une étape par laquelle plusieurs passent, c'est pas une étape par laquelle il faut passer. Depuis quelque temps, j'ai des chocs à la base du crâne qui sont désagréables et qui semblent venir de nulle part. D'où proviennent-ils et pourquoi? De nulle part. Il faut voir différentes choses. Première chose à faire, ça serait, et ça peut régler bien des problèmes, même si c'est énergétique, c'est de commencer à faire des rotations avec la tête. Il peut y avoir un problème au niveau du système cérébral, il peut y avoir un problème au niveau de la jonction bulbo-rachidien-moelle épinière, il peut y avoir un problème au niveau du bassin. On fait des rotations de colonne, ça tout le monde devrait avoir une colonne souple, c'est mieux à en faire. Première chose. Deuxièmement, ça dépend encore une fois d'où proviennent les mutations cérébrales, parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que le cerveau change, le cerveau enregistre des symptômes qui n'existent pas. comme je disais à un moment donné, tu sens que ça te pique sur le nez. Alors, tu grattes, puis ça gratte. Quand t'arrêtes, ça pique encore. Tu grattes, t'arrêtes, ça pique encore. En réalité, ça pique pas. Le cerveau pense que ça pique. Quand tu grattes, tu stimules. Stimulant, tu court-circuites ce qu'il pense. Quand t'arrêtes de gratter, il sent encore que ça pique. Il y a des personnes, à un moment donné, qui auront des bourdonnements d'oreilles qui ne sont pas des acouphènes. D'autres auront des impressions de DRS, de douleur rétro-sternale. Et ça passe immédiatement. Tu vas passer un électrocardiogramme, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu non plus. Alors, de temps en temps, il y a plusieurs phénomènes qui vont paraître où le cerveau semble enregistrer, il localise des choses. C'est ici. Lui, où il va lire, il détecte. Il y a des dépolarisations. Il n'y a rien. Il y a une mutation neuronique. Mais n'empêche qu'on doit quand même vérifier l'état de la colonne vertébrale, la colonne cervicale, pour commencer. Ça peut aussi régler beaucoup de problèmes. Et ça me fait penser à un boxeur que je connaissais, qui était dans l'arène. Son entraîneur lui disait, à toutes les fois qu'il recevait un mauvais coup, « Fais-toi en pas, il te touche pas, il te touche pas, il te touche pas. » À un moment donné, il a dit, « Ben, check l'arbitre, parce qu'il y a quelqu'un qui me frappe, je vais me faire du mal. » Lorsque je regarde les choses, il semble que ce n'est pas moi qui regarde. Et lorsque je mets la conscience dans le corps, je me sens étranger à moi-même. Pourquoi? La personne vit un déphasement. Lorsqu'elle regarde, première chose, le corps vital peut être légèrement déphasé du corps physique. Son ajusteur de pensée n'habite peut-être pas où il reste. Il l'attire ailleurs. Deuxièmement, le corps astral, la personne fait peut-être un voyage astral réveillé, ce qui peut arriver de temps en temps. Donc, nécessairement, il aura une vision oculaire et une vision astrale d'un objet, d'un événement, donc d'une chose, ce qui fait que nécessairement, il aura l'impression d'être à deux endroits ou d'être totalement à côté du corps ou d'être totalement ailleurs. Le cerveau va mixer les deux, mais la vision que tu as n'est pas celle que tu devrais avoir. Ça peut même créer une impression de nausée à un moment donné. Pourquoi? L'alimentation peut créer un problème. Mauvaise alimentation, le corps vital peut avoir une tendance à s'éloigner. Deuxièmement, il peut y avoir aussi une trop forte mentalisation. La mentalisation peut créer un mouvement rotatoire dans l'énergie vitale du corps physique qui peut légèrement déphaser le corps vital. Certaines personnes, des médiums, des voyants, on connaît ça. Il y a plusieurs mécaniques. La personne, comme je suggère souvent, si elle mange des oignons, de l'ail, ça colle le corps vital au corps physique. Ça doit aider. Mais la personne, elle doit aussi s'arranger pour... Encore là, vois-tu, ça donne que c'est la même personne qui pose la question, mais elle aurait avantage, ça aurait été une autre personne, j'aurais suggéré la même chose, à faire des rotations avec sa tête. Rotation au niveau de la colonne cervicale. Pourquoi? Parce que si un peu d'énergie manque au cerveau, un peu de sang manque au cerveau, le cerveau commence immédiatement à s'endormir. C'est pas une perte de conscience, mais à s'endormir. Et encore une fois, dépendant de la sensibilité de l'individu, si elle est suffisamment sensible et suffisamment évoluée, mais sans être, c'est pas un compliment, nécessairement, elle peut se sentir déphasée chaque fois que le cerveau n'est pas suffisamment habilité à le maintenir dedans. C'est le corps vital ou le corps astral qui se détache? C'est le corps vital et le corps astral qui peuvent se détacher. Donc, encore une fois, on aurait intérêt à faire quelques rotations cérébrales pour vérifier des choses. Ça peut régler deux problèmes qu'on a là. C'est bon. On est bien. La semaine prochaine, je crois que c'est sur l'énergie, l'énergification, soit on va... continuer ce qu'on a commencé là au niveau des mécaniques qui peuvent le nuire, comment les transformer. On va faire une conférence qui va être plus localisée, ça sera pas aussi général, peut-être une suite. En attendant, ben c'est ça, amusez-vous. Bonne semaine.